Salut Charline. Oh là là, je suis trop contente. Ah, super. Aujourd'hui, on reçoit deux hommes. Ah, chouette. Kervern et Delépine pour le film Saint-Amour. Ah oui, je l'ai vu, c'est génial. Poulevard et Depardieu, arrête pas de picoler. Ah, bah alors, on va faire pareil. Ah, bah oui, c'est normal. Ah, bah oui. Comment ça? Ah, bah pendant l'émission, on va pas arrêter de picoler. Ah, non, non, bah on ne boit pas à l'antenne, les gars. Oh, t'as pas toujours dit ça, Charline. Mais la bière, c'est pas considéré comme de l'alcool. C'est pas vrai, quoi. Écoute, Charline, ici, ils viennent pour un film où les gars font la route des vins. Je crois que ça tient plus de la cohérence là que de l'ivresse. Et puis quand tu connais ce mot, toi? Non, cohérence. Non, mais Alex, il a pas tort. On n'est pas obligé d'exagérer, mais 3-4 bouteilles comme ça, ça ira. Non, mais on va se faire repérer par le CSA. Mais pourquoi? C'est de la radio. Non, parce qu'après, ils vont raconter des conneries, les deux. Non, bah alors, s'il y a bien un truc qui va pas surprendre le CSA, c'est si on raconte des conneries, justement. On est payé pour ça. Mais non, non, non, puis à la vidéo, ça va se voir. Mais on dira que c'est du jus de raisin. Mais oui, ça c'est bien. On a qu'à mettre du Saint-Amour dans des bouteilles de Tropicana. Ah oui, Alex, le MacGyver de la picole, bien joué. Mais peut-être que même dans le film aussi, c'était du jus de raisin. Mais oui, mais c'est ça le cinéma, les effets spéciaux. Mais oui, pour pas que les acteurs soient sourds. Mais bien sûr, c'était qui les acteurs? C'était Poulvord et Depardieu. Ouais, c'est pas sûr. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui, dans l'actualité bleu, blanc, rouge, ne s'intéresse qu'au blanc et au rouge. Et voici les trois informations qui vont finir pétées, mais heureuses, à 18h. Le salon de l'agriculture s'ouvre samedi en pleine crise du secteur. Cette fois, le politique va quand même moins la ramener, non? Je vais vous dire, on dit une chose dans ma famille et dans mon pays. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Le coursier qui vient vous rapporter une boîte de Tampax, on y est presque. Elles fleurissent, les start-up où les salariés sont bien au chaud dans les bureaux et les coursiers corvéables à vélo. Mais c'est tellement pratique quand on a une envie subite. Alors allez me chercher 6 paquets de tabac à Cogolin. À Cogolin? Pourquoi à Cogolin? Parce qu'il est meilleur à cause du microclimat. Martine sort de ses gonds après ras-le-bol de Macron. Elle dit trop c'est trop, donc si ça continue, ça va barder quoi. Vous voyez en fait, ça me prend là, et puis ça monte. Bon. Forcément, au bout d'un moment, quoi, ça explose. Voilà, voilà. Moi, je suis accompagnée de celui qui ne s'énerve jamais parce qu'il a choisi d'être d'accord avec tout le monde. C'est plus ça. C'est Alex Vizorek. Essentiellement avec lui-même. Bonjour à tous. C'est la belle équipe autour de la table. C'est l'équipe originelle. À 17h20, l'homme dans toute sa splendeur solaire et complexe. Comme ses chroniques, solaire et complexe. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je vais vous parler aujourd'hui d'un mouvement qui s'appelle les IMO. C'est pas immobilier, c'est IMO de Emotional. Des émotifs, en gros, les gars qui transpirent de la moustache. Vous n'en aviez jamais parlé, hein, de ça en non. Plus. Ça c'est bien. À 17h30, celui que certains appellent le vengeur masqué, mais que d'autres appellent la sangsue à visage découvert, c'est selon où vous vous situez par rapport à son micro, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je me suis intéressé aujourd'hui à la candidature de Bruno Le Maire aux primaires du Parti des Républicains. J'ai appelé ses soutiens qui ont des idées de formule choc. Je pars du principe que lorsque l'on fait de la politique, il faut aimer les gens. Bam ! Prenez de l'amour dans vos faces. Et à 17h40, t'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Ouf. Et je prends racine en toi, femme, femme, je te dédie ces mots. C'est Jean-Luc Lahaye pour vous. Clara Dupont-Mono. Ça marche pas mieux que quand c'est moi. Heureusement que je n'ai pas Julie Pietri. Ouais. On parle de quoi? Eh bien, on va parler d'un roman qui parle de l'origine du virus Ebola. Ah, on va se marrer. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est double. L'un est né sous Élisabeth II à Maurice et l'autre sous René Coty. Vous travaillez ensemble. C'est lui qui nous l'a dit. Je m'inscris en faux. Si, si, on a vérifié. Vous travaillez ensemble pour Groland à partir de 99, mais ensemble, parce qu'il y en avait un qui était là avant. 99, quand Caroline de Monaco en est à son troisième mariage. Vous réalisez Louise Michel en 2008 quand éclate l'affaire Kerviel. Et vous réalisez Mammouth en 2010 quand Michel Houellebecq reçoit le Goncourt pour la carte et le territoire, avant peut-être un Oscar pour vous. Ils sont deux. Ouais, bravo. C'est eux. Bravo d'être deux. Charline Van Macker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Qui sont ces gens? Mais bonjour Gustave Kervern. Ah, oui, alors, bonjour. Et Benoît Delépine. Bonjour. Mais vraiment, déjà, vous nous faites plaisir parce que d'habitude, on dit Gustave Kervern et Bruno Delépine. Donc à chaque fois, ça nous rend foudrage dès le début d'une interview. Non, alors que là, on est un. Non, ouais, ça nous donne un a priori du travail. Bien, bravo, ça bosse ici. Non, mais vous savez, vous nous accompagnez depuis longtemps déjà. Ah. Et puis, Groland est quand même un. Ah. quand même fait partie des références des sons qu'on diffuse régulièrement dans cette émission. Là, vous venez nous voir pour Saint Amour, votre nouveau film qui sort en salle le 2 mars. Avec notamment Benoît Poulvord, Gérard Depardieu, il y a aussi Vincent Lacoste, Céline Salette, il y a tout un casting assez incroyable dont on va pouvoir parler. Vous montrez ici aussi un peu la vie du déclassé social, ce qui est une thématique récurrente dans vos films. Là, c'est Benoît Poulvord, agriculteur, et son père, Gérard Depardieu, tout commence au salon de l'agriculture. Mais ils ne sont pas si déclassés sociaux que ça, en fait, puisqu'ils sont simplement agriculteurs. Alors on ne peut pas commencer à dire que tous les agriculteurs sont... Les déclassés sociaux, c'est 500 000 personnes qui se retrouvent dans la marge, 500 000 punks à chiens supplémentaires. Ils sont déclassés un peu dans leur tête, peut-être, quand même. Peut-être, c'est un peu, disons, ils sont un peu attachés au même territoire, donc ils n'en bougent pas beaucoup, quoi, mais effectivement. Mais finalement, ils vivent des choses beaucoup plus passionnantes que le bourgeois, qui n'est pas forcément parmi vos héros. Parce que vos personnages sont aventureux et soucieux de l'autre, alors ils vivent des choses extraordinaires. C'est un peu ça le message du film dans Saint-Amour. C'est un peu notre message général et généreux, c'est-à-dire que nous-mêmes, en faisant des films, on s'intéresse vraiment, enfin, ça nous ouvre l'esprit, ça nous permet des rencontres inouïes, mais eux, effectivement, en décidant de quitter le salon de l'agriculture, où il y a déjà des tonnes de rencontres potentielles, en décidant de même en sortir pour aller faire une véritable route des vins à travers la France entière, ce qu'ils sont pas habitués à faire à longueur d'année puisqu'ils sont un peu au cul des vaches malgré tout, et ça leur permet effectivement de faire des rencontres sentimentales et de se rapprocher eux-mêmes. Oui, féminine, Gustave Kervern, parce que à chaque aventure est déclenchée par une femme, avec un fameux casting. Hein, on peut citer, il y a Islia Higelin, Ovidie, Andrea Ferréol, Chiara Mastroianni, Solène Rigaud, Céline Salette. Il y en a aucune qui vous a résisté, c'était vraiment les filles que vous vouliez, et pour des emplois, des clins d'œil cinématographiques aussi, par exemple Andrea Ferréol. C'est l'avantage d'être réalisateur de cinéma. Non mais c'est vrai, on s'est dit ça. Mais pourquoi tous les autres réalisateurs de cinéma font ça pour les femmes et pas nous? Mais le problème c'est qu'on a commencé très tard quand on était déjà mariés et fidèles, donc déjà vieux. Mais chacune est choisie judicieusement, parce qu'elle déclenche à chaque fois une scène qui est poussée ou vers l'absurde ou la surprise, parce que vous nous surprenez énormément dans ce film. Et chacune est choisie précisément pour quelque chose. Par exemple Andrea Ferréol. On n'a pas les mêmes références. Elle n'est pas totalement à contre-emploi, on va dire. Si, un petit peu quand même. Un peu, oui. Andrea Ferréol, par exemple. On voulait trouver quelqu'un du même âge que notre personnage principal, du même âge aussi que Gérard Depardieu. Et puis il se trouve qu'effectivement, c'est une actrice qui a joué avec lui, Andrea Ferréol, en particulier dans La Grande Bouffe, etc. Et donc, on a eu l'idée de les réunir une nouvelle fois, après avoir vu, c'est un petit clin d'œil, mais Gérard mangeait énormément de saucisses et de lard. Alors qu'elle se cantonne à 5 fruits et 5 légumes, n'est-ce pas, d'un deuxième contraste, et puis ensuite une scène de lit qu'on espère quand même assez savoureuse. Oui, oui. Mais un rapport à la séduction, à chaque fois aussi, parce que Poulvord. Ça vous intéresse, ça, Alex. Ah oui, il y a un coincé de la séduction. Ah, c'est bizarre. C'est un peu autobiographique. Je suis marié à 35 ans avec la femme avec qui je suis, c'est la première femme que j'ai connue, enfin avec qui je me suis mis en ménage. Non mais c'est vrai qu'on a un petit peu, un peu tardif sur la question, donc draguer ça n'a jamais été mon fort. J'avais aussi 35 ans mais elle avait 8 ans. Donc... C'est vrai que c'est un film avec un trio. Ah oui. Il y a aussi évidemment Vincent Lacoste qui les balade en taxi, ils font ce road trip à trois, et c'est plus un film sur les femmes et un trio qui est en déficit amoureux et qui est un peu paumé, et en plus sur un film sur les femmes que sur le vin et la pochetonnerie. Exactement, au début on l'avait appelé La Route des Vins, puis peu à peu en l'écrivant on s'est rendu compte que ça n'avait plus rien à voir. Et donc, peu à peu, on est allé vers l'amour. Et puis, l'amour, on a la sanctification de l'amour. Donc, Saint Amour, également le nom d'un Beaujolais. Oui, je vous ai quand même vu sourire pendant la conf de rédac quand on disait que Depardieu et Poulvord buvaient plutôt du jus de raisin pendant les scènes. Vous confirmez? Bien sûr. Vous pensez. Non, mais c'est dur. Par exemple, là, on va en parler après, mais José Bové qui boycotte le salon de l'agriculture, nous, on le boycottait souvent. C'est pour pas. Il y a tellement de tentations, c'est un coup à mourir. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, en tout cas, Saint Amour, on vous le recommande chaudement, hein, oui, Alex. On a tous aimé. Ah ouais, tous, à l'unanimité, le film de Gustave Kervern et Benoît Delépine. France Inter. en plus. Bon, Saint-Amour, ça sort en salle le 2 mars avec Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste. Il y a Michel Houellebecq. Cocasse. Il ne faut rien dire parce qu'il est excellent. Il y a Xavier Mathieu. Xavier Mathieu, c'est vrai, au Salon de l'Agriculture. Anna on va en reparler. On va en reparler. Oui, il y a Anna Girardot, c'est vrai. Mais il y en a tellement. Vous avez comblé l'intro musicale, là, vous pouvez y aller. I know it's out of fashion and a trifle uncool, but I can't help it, I'm a romantic fool. It's a habit of mine to watch the sun go down on Echo Beach. I watch the sun go down. From 9 to 5 I have to spend my time at work. My job is very boring, I'm an office clerk. That helps me pass the time away is knowing I'll be back at Echo Beach someday. Sur France Inter. Echo Beach. Martin de Muffins, Echo Beach, oui, il est trop fort. Qu'est-ce que j'ai dansé là-dessus? Ah ouais, voilà. Benoît Delépine. Si on s'y remettait. Il est fort, Gustave Kerber. Bah oui, très fort en zik. Qui a fait la musique de Saint-Amour? Ah oui, c'est Sébastien Tellier. Exactement. Et franchement, la musique, elle a une grande importance dans le film parce qu'elle permet de lui donner une fluidité absolue. Alors, c'est marrant parce que hier, j'étais avec mon fils et ses copains qui ont vu le film, alors qu'il a une vingtaine d'années, et ils dansaient dans la salle comme ça, c'était dingue quand même. Vous vous rendez compte que vous venez de dire de votre film qu'il est une fluidité absolue, mais la prétention du gars. Ah oui, exactement. Là, on peut se permettre d'être prétentieux pour une fois. C'est vrai, c'est fluide, ça passe tout seul. Comme la vaseline. Fluidité. C'est ça, Saint-Amour. Enfin, Charline. Mais il y a beaucoup d'échanges de fluides, donc c'est pour ça que... Saint-Amour de Gustave Kerver et Benoît Delépine, c'est en salle le 2 mars et c'est chaudement recommandé par Annule Tout. Et par Benoît Delépine lui-même, qui a beaucoup aimé ce film. Il est très fluide. C'est mon coup de cœur. Et la fluidité de l'information, on ne la retrouve qu'ici. Ça, attention. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. François Hollande se rend en Uruguay. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour échapper à Martine Aubry? Bernard Tapie a été contrôlé à 185 km/h sur l'A7. Christine Lagarde a demandé le relevé du radar avant de proposer un arbitrage. Et il y aura des brèves. Et on repart, comme tous les jours cette semaine, sur les traces de François Hollande. Oui, on retrouve Guillaume, hein, qui était avec la délégation présidentielle en Amérique du Sud. Vous avez réussi à décoller cette fois, Guillaume, on l'entend ? Oui, oui, Alex, oui, effectivement, on est en l'air entre l'Argentine et l'Uruguay. Oh mais je crois qu'on a définitivement perdu le président. Ah. Il vient de passer à l'instant dans le couloir, vêtu uniquement d'un masque à gaz et d'un gilet de sauvetage. Il veut absolument piloter l'avion. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Écoutez, ça fait 5 jours qu'il ne dort pas. Hein. C'est sans doute cette boisson locale à Futuna. Ah, vous avez essayé de le fatiguer un peu ? Oui, oui, oui, oui, on a voulu lui mettre un coup de on lui a montré la une de VSD avec Valérie Trierweiler. Et alors ? Et alors ça l'a excité. Ah. Ça l'a excité. Elle a l'air tellement liftée qu'il l'a prise pour Rachida Dati. Ah oui, quand même. Et vous avez prévu des choses, j'imagine, en Uruguay ? Non, rien du tout, Alex. Hein, allez vérifier sur le site de l'Elysée. L'agenda est vide. Ah. On se croirait en campagne avec François Bayrou. Ah, mais il va rencontrer le président local quand même. Oui, alors c'est le nouveau président, heureusement. Hein. Heureusement que c'est pas l'ancien, José Mujica. Celui qui préférait loger dans une petite ferme que dans le palais. Celui qui reversait 90% de son salaire à des œuvres de charité, celui qui se déplaçait en coccinelle. Ah oui, ça l'aurait déstabilisé. Hein. Ah, certainement, un président normal, ça fait toujours bizarre. Oui, et demain, c'est le retour en France, donc. Oui, oui, on atterrit samedi matin en direct du Salon de l'Agriculture. Hein. Bon, comme ça fait 2 jours qu'il ne s'est pas douché, ça tombe plutôt bien. Merci, Guillaume, merci. On passe à la politique intérieure. Oui, toujours avec la réforme du Code du Travail. Précisons, pour consoler Martine Aubry, il y a tout de même un nouveau droit pour les travailleurs, le droit de la déconnexion. Hein, c'est-à-dire que les salariés peuvent se couper de leur smartphone lorsqu'ils sont en week-end. Voilà. Oui, désormais le week-end, l'employeur sera contraint de licencier par SMS. Oui, à ce propos, un député PS a proposé sur Twitter, pour réconcilier Valls et Aubry, qu'ils aillent ensemble au Salon de l'Agriculture. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les réunir à un endroit où il y a des fourches. Pas con. Passons à Bernard Tapie. Oui, il a été contrôlé à 185 km/h sur l'A7. Alors franchement, s'il fait de la tôle pour excès de vitesse, c'est vraiment déprimant pour le système judiciaire français. Écologie à présent. Des militants de Greenpeace manifestent contre la déforestation devant le siège de Bolloré. Effectivement, car on estime que depuis son arrivée à la tête de Canal+, les textes des guignols qu'il aurait refusés équivalent à un tiers de la forêt amazonienne. Football à 42 ans, Robert Pires, dernier champion du monde 98. Vous pouvez rire plus fort les gens de Canal+, si vous voulez. C'est filmé de toute façon. Pas drôle du tout, cette blague. C'est même un motif de licenciement. De football à 42 ans, Robert Pires, dernier champion du monde 98 en activité, prend sa retraite. Oui, une info qui nous a choqués. On ne savait pas que Robert Pires jouait encore au football. Oui, et apparemment, demain, Juste Fontaine annonce sa retraite. Voilà. Football toujours. Louis van Gaal, l'entraîneur de Manchester United, a dit en conférence de presse, je cite, « Je veux que mes joueurs soient en chaleur ». Ah ben voilà, un type qui serait parfait pour entraîner l'équipe de France. Oui, on termine par une brève. Donc. États-Unis, sa cigarette électronique explose et met le feu à sa poche. Sale coup, il aurait bien fait de continuer à fumer. On est ensemble avec Gustave Kervern et Benoît Delépine jusqu'à 18h. Et Bruno Delépine. Oui, non, ça se passait si bien jusqu'à là. Alors vous nous parlerez tout à l'heure, Guillaume, de Benoît Le Maire, bien sûr. En attendant, premier sujet avec vous. Eh bien, cette année, au Salon de l'Agriculture, Stéphane Le Foll envisage d'y aller déguisé. Et José Bové boycotte. Même les vaches sont foutues de se mettre en grève cette année. Ah, si les vaches avaient des mains, ouvrant les culs des Parisiens à la porte de Versailles, se masturbant devant une botte de paille. De la paille, oh oui, oh oui, oh oui, comme dans la petite maison dans la prairie. Mais ici, c'est la capitale, pas de gluten dans les céréales. À Paris, on aime les animaux pomponnés. Comme pour aller au bal, une vache avec... Frédéric Frobé, qu'on retrouvera demain, bien sûr. Oui, on était au Salon de l'Agriculture l'an dernier. Ils nous ont pas réinvités. Et c'est le point de départ. C'est le... c'est... Ouais, avec Geneviève de Fontenay, on est allé. C'est vrai. Ils nous ont pas réinvités, non. Au Salon des pesticides. C'est le point de départ de votre film Saint-Amour qui sort le 2 mars. Et alors, il y a en ce moment un contexte tout à fait désastreux pour les agriculteurs. Hein. Guerre des prix, chute des cours mondiaux, surproduction, crise sanitaire, embargo russe et sentiment de déclassement qui, pour la plupart, n'est pas qu'un sentiment. Alors, le Salon de l'Agriculture, il a toujours été utilisé par les politiques pour remonter leur cote de popularité. Ils attendent impatiemment la fin février pour que ça remonte. Et là, est-ce que l'histoire ne se retourne pas un peu contre eux ? Oui, là, je me suis demandé si en fait, ça c'est dans les archives, mais est-ce que les manifestations paysannes sont plus nombreuses quand il y a un gouvernement de gauche ou est-ce que c'est ça, je sais pas. Ah oui, bonne question. Il faudrait savoir. Mais là, c'est vrai que les politiciens, il n'y en a pas un qui est attendu avec ferveur au salon. Et je sais pas, Hollande, il va quand Samedi matin, ouais. Il descend de l'avion, Argentine-Uruguay. Il va avoir de la, il aura mangé de la barbaque jusque là. Et ouais. Taper du sauciflard. Mais nous on y va lundi là, on va faire des petites. Ouais, on va aller l'accueillir peut-être aussi. Non, donc d'autres personnalités. C'est une bonne idée. Hein. Alors pour tourner dans le salon de l'agriculture, est-ce que ça coûte aussi cher qu'avoir un stand là-bas, parce que finalement pour les agriculteurs. Ah non, mais tourner au salon de l'agriculture, effectivement, c'est un coup de. Enfin, déjà, il faut être accepté, ce qui n'a pas été évident, parce que dans un premier scénario, c'était vraiment une histoire de suicide en plein salon de l'agriculture, avec un paysan qui avait dressé son cheval de trait pour lui envoyer une ruade fatale. Bon, ça n'a suicide pas été accepté. Par ruade, c'était quand même une bonne idée. Ça peut donner l'idée à quelqu'un. Mais bon, non, mais à part ça. C'est un vrai phénomène, le suicide des agriculteurs. Ah, ouais. Non, non, ouais, mais c'est vrai que c'est pas drôle du tout. Mais on voulait. Non, pas, mais... On voulait. C'était en l'occurrence un drame, mais du coup, comme on a parlé de ce phénomène du suicide lors de notre précédent film avec Michel Houellebecq, cette fois-ci, on a décidé d'aller vraiment vers une comédie. Mais on a donc passé ce nouveau scénario aux dirigeants du Salon de l'Agriculture qui ont accepté. Il s'appelle Monsieur Poulain. Voilà. ce qu'on remercie au passage. Et vous aviez une passion, Gustave Kervern, pour les agriculteurs, parce que l'amour est dans le pré est un truc qui vous palpite. Bah ouais, je sais pas. Mais j'aime bien les télé-réalités, en fait. J'adore Top Chef, La Nouvelle Star, enfin... C'est même un archi gênant parce que quand les journalistes spécialisés en cinéma nous demandent quels sont nos réalisateurs fétiches, en hommage à qui, et nous on sort des titres comme ça, ça va pas du tout. Mais c'est pour c'est ça vrai. Que les cahiers du cinéma, on a un gros souci. Non mais je sais pas, j'adore regarder ça. C'est le côté la vraie vie. Ouais, la vraie vie, les vrais gens, je sais pas. Il y a du suspense. Non, mais faut dire, vont-ils réussir à faire leur plat ou pas? Je tiens parce que je ne sais que depuis hier le pourquoi de cette histoire. Parce que moi, en l'occurrence, je suis vraiment fils d'agriculteur, donc on peut se dire tiens, c'est normal qu'il aime la campagne, etc. J'y suis retourné d'ailleurs. Mais lui, c'est apparu hier comme ça après avoir bu une verveine. Est-ce qu'il est souvenu depuis 53 ans. Mais une verveine inouïe. Tout à coup, il y a un souvenir qui est revenu à la surface de son cerveau. Un grand-père agriculteur qui est parti de la Bourse de Paris dans les années 50, qui a abandonné son métier, un peu comme Jean de Florette, et qui est allé s'installer en Dordogne, à Ribérac. Et ça m'est remonté comme un... Je sais pas, comme une remontée d'acide. comme l'andouillette de Proust, quoi. Mais la Madeleine, c'était dans le thé. Hein, mais il a été reçu comme Jean de Florette ou Ouais, ça n'a pas marché du tout. Hein, c'est un métier, donc. J'espère qu'à la deuxième verveine, je vais pas me rappeler qu'il était pédophile. C'est un truc que j'aurais enfoui dans mon subconscient. C'est un milieu que vous connaissez, donc la pédophilie, oui. Mais non, l'agriculture. Salut mon grand-père Gustave, qui s'appelait Gustave. En tout cas, cette année, un salon de l'agriculture sans José Bové. Ça, c'est le choc, hein, quand même. Ça, c'est... Ah bah, nous, c'est un ami, hein, mais donc il doit avoir des raisons de ne pas y aller, hein, je ne sais pas. Hein, mais bon. Oui, il explique que maintenant, c'est une mise en avant des secteurs qui tuent les paysans. Et que le salon de l'agriculture est une vitrine alors que les paysans disparaissent. C'est vrai que là, vous entrez finalement en résonance avec ce film, avec tout le contexte, mais ce n'est pas le contexte qui est... Mais le salon des pesticides du Crédit Agricole, c'est plutôt à la Grande Synthe, en fait, avec du matériel, alors qu'au salon de l'agriculture Porte de Versailles, c'est plutôt les animaux, etc., les bons produits. Un peu de McDo aussi, mais... McDo essaye de s'infiltrer un peu là-dedans, quand même, mais c'est quand même plutôt bon enfant. Enfin, dans ce qui nous concerne, on a eu cette... En tout cas, vous en donnez une belle image. Oui, on a envie d'y aller. Donc, pour le film Saint-Amour de Gustave Kervern et Benoît de Lépine, André Manoukian. Ah, que des bons produits aussi. Oui, chez que du frais. Exactement. Exactement, je vais vous parler d'un mouvement qui s'appelle les IMO. Hein. IMO, E-M-O, ça veut dire quoi? En fait, ce genre est né dans les années 80 à Washington, D.C. À la base, c'est j'ai une musique... J'ai entendu parler de ça, non? C'est parce qu'on est IMO. Laissez-vous porter. À la base, c'est une musique hardcore, compliquée, aux mélodies agressives. En gros, c'est quand les punks se sont mis à apprendre la musique et qu'ils se sont mis à faire des chansons avec plus qu'un accord. Parce que le manifeste des punks, on était tellement révoltés qu'on voulait abolir toutes les règles, toute la musicalité. Et du coup, voilà le cycle infernal qui recommence. À la base, donc, les punks nés en Angleterre, Angleterre à la fin des années 70, se révolte et revendique le droit de faire du bruit en martelant un seul accord avec tant de véhémence que l'axe devient révolutionnaire. Le retour au geste pur, le cri primal de Gurdjieff, bref, les punks sont au rock, ce que Carverne et Delépine sont au cinéma. Et c'est sur cette base pure et rude, je crois que c'est un compliment, que petit à petit vont s'agréger de nouveaux éléments qui vont sophistiquer à nouveau la machine. Un peu comme si Carverne et Delépine faisaient du James Ivory dans des beaux jardins à l'anglaise avec des acteurs rouges tellement pointus qu'ils passeraient uniquement par des tressaillements imperceptibles des muscles du visage qu'on savait même pas qu'ils existaient avant de les voir tressaillir. Emo, ça vient d'emotional, émotif. En gros, des punks érudits et sensibles. Ce sont d'abord les paroles de ces groupes hardcore que l'on a qualifié d'émotionnels, qualificatif qui est ensuite devenu le nom générique des groupes qui les portaient. Juste les noms des groupes du mouvement emo sont évocateurs. Quelques-uns. Death's Cab for Cutie. Taxi de mort pour jeune fille mignonne. Cool, non? Dashboard cool. Confessional. Tableau de bord confessionnel. Me regardez pas comme ça, Clara Dupont de Mono. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la drogue aussi? Sunny Day Real Estate. Agence immobilière du jour ensoleillé. Joe Breaker. Casseur de mâchoire. Bon, là, déjà plus sympa. Jimmy Eat World. Jimmy mange le monde. I hate myself. Je me déteste. My Chemical Romance. Ma romance chimique. Taking Back Sunday. Je reprends les dimanches. Texas is the reason. À cause du Texas. Vous avez bossé, dites donc. Ouais, nous on avait à cause des garçons. Eux, ils ont à cause du Texas. Voilà, on a de la chance parce que, en fait, là, je vais vous reparler d'un groupe dont j'ai parlé en janvier parce que... Non mais rappelez-vous, c'est toujours bien de rappeler. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Il est malin. Donc eux, ils s'appellent Sleeping At Last, ça veut dire enfin le soleil, qui manifeste donc le côté rêveur éveillé d'un poète qui aurait des visions nocturnes. Le sommeil. Et non pas des pollutions nocturnes. Car parmi les multiples branches nées des IMO, la branche romantique est la plus importante. Donc là, on se retrouve avec un contresens incroyable. On part des punks et on arrive à l'extrême romantisme. Donc c'est intéressant de constater que... Des punks sont passés de la 8-6 au pétard. C'est ça. C'est le changement de drogue, exactement. Leur archétype, en fait, il est né au 18e siècle, à la fin du 18e en Allemagne, sous la plume d'un certain Johann Wolfgang von Goethe, avec le roman qui a été interdit tant il provoqua des suicides. Vous nous parlez du suicide des agriculteurs, les souffrances du jeune Werther, les amours impossibles d'un jeune homme érudit et sensible, comme vous, mais qui n'était pas bien né, comme vous, et qui ne pourra donc prétendre à l'amour de la jeune aristocrate qu'on combat tous ici, et qui est... Clara. Ah pardon, je pense à Charlotte dans le livre. Oui, c'est Charlotte dans le livre. La voix du chanteur de Sleeping At Last est sans doute l'une des plus sensuelles qui soit. Et la chanson que nous allons écouter, Smell, fait partie d'une série qu'il a écrite sur les cinq sens. Donc voici une chanson sur l'odeur qui nous ramène dans l'intime, la spiritualité, le souvenir et l'extrême sensualité. L'odeur, c'est le sentiment le plus intime que l'on a avec c'est l'univers. Beau. Vous direz vous moucher. Oui. Is this the part where the brain scan shows where memories reside? Some ambiguous shape in me suddenly producing life. Trigger like a tripwire every time I breathe it in. Isn't it strange that a lilac tree unlocks where I've been, like a time machine rebuilds the past, my memories return, like remembering the ashes before they burn. It is the friction that lights a match, desperate attempts that make it last. So hold my breath for as long as I can. But before long the wind swells in. I started a fight I could never win. But I will hold on as long as I can. It finishes against my will. Just like last, smell, et comme disait Benoît Delépine, ça smell quoi? Ça sent quoi cette chanson? Alors ça sent que il a travaillé ce titre en mono au lieu d'être en stéréo, en disant finalement le parfum, l'odeur, c'est quelque chose de très pur, et le fait d'être en mono, tout d'un coup, ça réduit l'espace et ça oblige à mettre que les instruments nécessaires. Et si vous avez fait attention, il y a un instrument qui manque, lequel? C'est la batterie. La batterie, voilà, bravo. Enfin, Gustave, quelqu'un Carver qui a de l'oreille ici. Et vigilant. Et donc ça veut dire que l'odeur est tant le sentiment le plus spirituel. C'était en faisant des fumigations, en faisant cuire les éléments, que la fumée montait jusqu'aux dieux. Donc on était dans quelque chose d'assez... Mais nous avons deux dieux en face de nous aussi. Et là, ouais, ça calme tout le monde. Hein. Ouais. Merci. Merci André Manoukian. C'est chouette, Sleeping at Last. Yes. Moi, je suis fan. Je recommence beaucoup dans deux mois sur un autre polar projet. Allez, Gustave Kervern et Benoît Delépine sont avec nous. Leur film Saint-Amour sort en salle le 2 mars avec Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste, et alors Céline Salette, Solène Rigaud, Michel Houellebecq, Izia Higelin, Ovidie, Andrea Ferréol, Chiara Mastroianni. Et autour de la table, Alex Vizorek. Eh bien, il y a André Manoukian, vous l'avez entendu, on n'entendait que lui. Clara Dupont-Mono qui se prépare. Et Guillaume Meurice, attention, oui. Attention. Alors aujourd'hui, ouais, je vais vous parler du futur président de la République. Ah, on le connaît depuis avant-hier, Bruno Le Maire. Hein, Bruno Le Maire qui a complètement tué le suspense en annonçant sa candidature. Alors pour vous dire à quel point il est sûr de lui, il a annoncé sa candidature à Vesoul. Donc il a même carrément cherché à se mettre des handicaps, hein, tellement c'était gênant pour les autres. Alors, attention, je ne fais pas du racisme anti-Vesoul. Hein, moi, moi j'ai vécu 15 ans en Haute-Saône. Ah, donc je peux vous dire à quel point ça prédestine à un destin pourri. Hein. La preuve aujourd'hui, je suis dans une émission avec Clara Dupont-Mono. Donc à un moment donné, il n'y a pas de hasard. Bon, en tout cas, la machine de guerre Bruno Le Maire est lancée et elle va tout dévaster sur son passage. Pour décrypter le choc politique provoqué par celui qu'il convient d'appeler Bruno il phénoméno, j'ai appelé ses soutiens ce matin. Par exemple, Jean-Luc Gauthier, il est conseiller départemental dans la Nièvre. Alors attention, on commence fort avec une charge d'une virulence rare contre la politique de François Hollande. Allez, chauffe Jean-Luc! Regardez ce qui s'est passé depuis 2012 où le président de la République a montré son inexpérience à exercer des responsabilités gouvernementales et ça s'est traduit par quelques bêtises, entre guillemets. Bêtises, vous y allez fort quand même. Bêtises, pour moi, c'est plutôt gentil. Vous n'avez pas peur d'employer des mots qui choquent? Bêtises, franchement, c'est... je suis pas sûr que ce soit très très méchant. Ah, c'est quand même un peu méchant, hein, je suis désolé. Pourquoi pas sottise, quoi, là, ou sornette pendant qu'on y est. Enfin, voilà. Bon, ça choque, mais au moins on sait où on est. Hein. On sait où on en est, c'est le style Le Maire, c'est fougueux, c'est téméraire, c'est audacieux. Mais a-t-il seulement des faiblesses, Bruno Le Maire? Demandons à Jean-Luc. Il n'y en a pas. Il n'a aucune faiblesse? Après, un homme, c'est un homme. Enfin, voilà. Mais c'est ce qui fait aussi un être humain d'avoir des faiblesses, vous croyez pas? Ah, mais l'homme, si, mais je suis complètement d'accord avec vous, mais je vous demandais quelles étaient les siennes. Écoutez, pour l'instant, j'en vois pas. Mais, c'est pas un être humain, alors, du coup. Il faut avoir des faiblesses pour être un homme. Alors, quelles faiblesses vous lui conseillez d'avoir? D'aimer les gens. Oh, la beauté! La beauté! Il faut qu'il ait la faiblesse d'aimer les gens. C'est bon comme du Marc Lévy. Oui, parce que c'est un homme de lettres aussi. Bruno, il a vraiment toutes les qualités. Alors, le seul problème de notre futur président, c'est quand même le manque de notoriété à l'heure actuelle. Il faut avouer que pour l'instant, Bruno Le Maire, ça évoque plus le nom d'un charcutier traiteur dans la banlieue de Châteauroux que le guide suprême de la nation française. J'ai donc soumis des idées pour pallier ce problème à une de ses soutiens, cette fois-ci Marie-Charlotte Nouhau, maire d'Avon en Seine-et-Marne. Est-ce qu'il devrait pas jouer au beer pong comme Alain Juppé? Toute l'ambiguïté de la politique en France, c'est qu'à la fois les gens rejettent cette classe au motif que justement elle est superficielle, elle est beaucoup dans le coup médiatique, et à l'inverse raffolent de petites images ou d'histoires showbiz qui vont se répandre à toute vitesse sur les réseaux. Pour cumuler les deux, est-ce qu'il ne devrait pas jouer au beer pong en citant du André Malraux, par exemple? On tomberait dans les caricatures. Ouais, et ça, avec Bruno, on ne tombe jamais dans la caricature. Même quand il pose dans Gala, hein, les pieds sur son bureau, genre j'ai trop le swag de droite, on n'est jamais dans la caricature. Quand il dit mon intelligence est un obstacle, on n'est pas dans la caricature. Quand il dit qu'il incarne le renouveau alors qu'il a été directeur de cabinet, secrétaire d'État, ministre et député, on n'est pas dans la caricature. Et puis, il a évidemment énormément d'atouts, Bruno. Alors, quel est le principal? Demandons à un autre soutien, Laurent Brosse, le maire de Conflans-Sainte-Honorine. L'atout principal de Bruno Le Maire, c'est qu'au-delà du fait qu'il incarne un renouvellement, c'est qu'il a la stature d'un homme d'État. Ah, alors est-ce qu'il est pas trop charismatique du coup ? Est-ce que c'est pas un problème ? À mon sens, si Bruno Le Maire est pas trop charismatique. Non, heureusement, mais il fait des efforts hein, pour pas être charismatique. Un charisme de bigorneau hémiplégique, ça se travaille. S'il le faisait pas, Bruno se travaille avec son charisme naturel. Bah, il aurait déjà réglé les plus graves problèmes du monde, hein, la Syrie, le Tibet, les chroniques d'André Manoukian. Voilà, tout ça serait réglé. Mais il ne veut pas faire de l'ombre aux autres. D'ailleurs, à propos de la Syrie, j'avais une autre question pour Laurent. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il a autant de chances de gagner l'élection présidentielle que Bachar el-Assad d'être prix Nobel de la paix ? Ce que je réponds aux détracteurs de Bruno Le Maire, c'est qu'ils peuvent rire pendant quelques semaines encore. Il va bien les calmer. Il va bien les calmer, Bruno. Et en plus, il a une arme secrète pour ça. Ce sont ses discours, évidemment. Au bout de 10 minutes, tout le monde pionce. Hein. C'est sûr que ça calme bien. Limite trop. Allez, laissons le mot de la fin à Jean-Luc Gauthier. Il faut essayer de faire confiance à l'intelligence de nos concitoyens. Nos citoyens, ils sont quand même 2 millions à regarder chaque soir Cyril Hanouna. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à leur intelligence ? J'ai le droit de dire joker, là. Oui, tu as le droit à un joker, Jean-Luc. Mais je te rassure, t'as aussi le droit de croire à l'intelligence de nos concitoyens, ou à l'existence du Père Noël, ou de Dieu, ou même des chances de Bruno Le Maire à l'élection présidentielle. Merci Guillaume Meurice. Vous êtes sur France Inter avec Gustave Kervern et Benoît Delépine. Et on va aborder le deuxième sujet avec vous. Le magazine Society a enquêté sur la fourmilière des livres à vélo, où il faut, je cite le magazine, slalomer entre les voitures et griller des feux pour livrer des bobounes à des community managers comme s'il s'agissait d'un rein à acheminer à l'hôpital Necker. C'est bien dit. Et puis quand c'est pas exactement le produit qu'on a commandé, c'est galère. Mais je vous ai jamais demandé ça. Bah, regarde la liste. Non mais, il y a écrit 8-9 prunes. Il y a une virgule. Gaby, tu dis quoi, là ? 8-9 prunes, oui. 8-9 prunes. C'est pas possible, on peut rien vous demander. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 89 prunes ? Bon, attends, c'est pas grave, on va les faire cuire, on va les congeler, puis on les mangera plus tard. Voilà, ils aident, c'est déjà ça, tu sais. Non, mais j'ai pas dit que c'était grave, c'est pas grave. Mais simplement, il y a un truc que je veux comprendre. À quoi vous pensez quand vous achetez 89 prunes ? Rien. Un extrait de Parents mode d'emploi que vous pouvez voir sur France 2. Pour l'instant, en France, c'est beaucoup de start-up qui font du delivery. Hein. Je suis un petit peu Jean-Claude Van Damme, là. De la livraison, hein, c'est ça. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Ah oui, la barrière de la langue. Je suis très aware. Mais alors, aux États-Unis, le phénomène va plus loin. La classe moyenne peut demander une boîte de Tampax à quelqu'un. Et puis, si c'est pas la bonne boîte du bon supermarché, c'est la catastrophe. Alors, on dit toujours, il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Alors que là, il suffit de prendre un vélo, non ? Ben non, mais en plus, franchement, les applications comme ça de livraison, ce qui est toujours étonnant dans ces histoires d'appli, c'est que c'est celui qui a l'idée de l'application qui finit par prendre tout l'argent à l'autre bout en Californie, genre 15%, et puis les autres se débrouillent. Donc là, à Groland, on vient d'avoir une idée qu'on a déposée. C'est une application qui résout à la fois le problème des livraisons et à la fois le problème agricole. C'est-à-dire que les agriculteurs, leur tracteur ne sert à rien pendant l'hiver, donc ils viendront vous livrer à la demande des pizzas. Ça mettra un tout petit peu de temps, que les mobilettes. Mais en tout cas, ça sera une bonne opération pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle auto-entrepreneur. Petit peu, chacun peut être la world company. Exactement. Et à servir l'autre finalement. C'est formidable. Voilà, on a des idées pour changer le monde. Vous avez parlé de ce sujet parce que justement, un des personnages, Vincent Lacoste, est en taxi. Voilà. Et ça pose cette question de la relation taxi-Uber. Donc c'est déjà un truc qui, l'an dernier, vous avez titillé. Mais parce que en fait, moi j'arrête pas de parler aux chauffeurs de taxi. Ils ont acheté leur plaque à 240 000 euros et puis maintenant ils se retrouvent avec une plaque qui vaut la moitié. Donc c'est un peu pareil pour les agriculteurs. Ils se sont endettés, ont acheté des machines, enfin pour ceux qui ont fait du lait. Donc c'est ça, c'est le problème des mecs qui se sont endettés. Puis l'ouverture du marché à ce genre d'ubérisation, ça les fout dans la merde. Donc là je vois pas la solution en fait, parce que ça, tout le monde manque de courage dans tout ça, parce qu'en fait comment faire? Enfin, c'est vrai que c'est hyper dur pour un homme politique. Moi, je voudrais pas être à leur place. Hein. C'est hyper compliqué. Il faut satisfaire tout le monde. Peut-être que même les hommes politiques vont être ubérisés à leur tour. Il y aura des gens qui vont arriver comme ça. Rappelons que c'est la loi Thévenoud qui dirige le problème. Donc, on n'est pas dans la merde. C'est vrai que ce qu'on appelle le road trip de Saint-Amour, votre film, est ponctué comme ça de le bon coin ou eBay qui fait faire un détour ou rencontrer quelqu'un ou tomber dans un gîte assez spécial. Ouais. Donc il y a le monde de la ruralité et puis ce monde 2.0 qui vient saupoudrer un peu l'histoire. Mais à la fois, nous, c'est un peu notre exemple aussi parce qu'on est largués, quoi, à passer la cinquantaine. Arrêtez. Surtout, on est sous René Coty. Voilà, sous René Coty. Ça, hein. Là, je m'inscris en fou. Mais c'est fou. C'était déjà la 5e République, enfin. René Coty, c'était avant. C'est vrai qu'on y est, je sais pas pour vous, mais nous, on n'y comprend rien. Moi, j'ai un truc pour recevoir la télé, un autre truc pour Internet. Ah, nous, on cumule les factures. On regarde qu'une chaîne de télé, on paye plein pot, tout. Plein pot. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, on y comprend. En plus, on n'a pas de réseau, on est toujours sur un vieux téléphone mural. Mais je vous rassure, on se fait tous bien enculer. Mais disons-le, bien sûr. Est-ce que vous êtes abonné à Canal+ ? Alors là, mais même Canal+, déjà, il n'y a que les salariés qui sont abonnés à Canal+, et donc, comme on n'a pas d'abonnement, vous en déduisez qu'on n'est pas salarié. Mais effectivement, j'en suis à mon 3e décodeur, c'est-à-dire. Mais non, je vais vous expliquer, ça va aller très vite. Allez-y. Quand on a un décodeur, on peut enregistrer sur un disque dur qui est à l'intérieur du décodeur. Sauf que là, il m'envoie un nouveau décodeur. Mais moi, j'ai envie de garder tous les films, etc., que j'ai enregistrés sur le précédent, dont des choses personnelles, des sketchs dans lesquels je joue, qui sont peut-être dans un cloud quelconque. Mais en tout cas, moi, j'aime bien les avoir dans un appareil. Et donc, je ne renvoie pas l'ancien décodeur. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un huissier qui va me faire une ponction sur non-salaire, pour me rembourser ce putain de nouveau décodeur. Non, mais où est ce cloud? Le cloud de Benoît Delépine et Gustave Kervern qui sont avec nous. Clara Dupont-Monod, reprenez votre souffle, parce que c'est votre moment. Allez-y, saisissez-le comme ça. Oui, Charline. Ciao. Alors, l'actualité, c'est quand même la peut-être faudrait y aller faire pipi avant de commencer. Ça fait déjà 3 fois que je sais pas ce qui se passe, mais... C'est vrai. Il y a une cystite ou quoi? Prenez votre élan, mais... L'enfant Charline. Je m'éloigne un peu. Ah, écoutez, moi, je suis trop contente d'avoir Kervern et Delépine, alors je me lâche. C'est Vaseline FM. Concentré. Comme c'est littéraire. Mais c'est extrêmement sérieux. Parce que c'est censé être là maintenant, messieurs, les 4 petites minutes de gravité intense et profonde de cette émission. Allez, parlons Ebola. Ça va nous détendre. Oui, parce que c'est une actualité, figurez-vous, Guillaume Meurice. L'actualité, c'est la fin officiellement constatée de l'épidémie du virus Ebola. Alors, l'épidémie avait été officiellement constatée en mars 2014. Elle a quand même fait 11 000 morts. Alors, ça calme. Mais elle est aujourd'hui en voie d'extinction. Or, une seconde vie s'offre à cette épidémie. Alors, seconde vie qui est quand même moins nuisible et qui s'appelle Matière à roman. Et j'en ai pour preuve ce petit et incroyable roman que je vous conseille, qui s'appelle Des chauves-souris, des singes et des hommes, signé de Paul Constant et qui sortira le 3 mars. C'est un conte véridique, ça existe, et qui brûle et qui glace parce que la littérature aime mélanger les saveurs contraires. Et pour être beaucoup plus concret, ce petit roman obéit à une logique presque orale qui est en fait celle des contes et des conteurs, des griots en fait, d'Afrique de l'Ouest. Voilà, ça va vous plaire, bien sûr. André Manoukian. Il n'y a pas de Yoruba, pardon, mais il y a de l'Afrique de l'Ouest. Alors nous sommes avec une petite fille congolaise de 7 ans qui s'appelle Olympe et qui découvre une congolaise à l'Ouest, donc. C'est pas ça? Non, pas c'est trop. Bien central. Bon, c'est bien central. Ouais, bon, c'est central. Pas grave. D'accord. Bon, c'est l'Afrique. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Écoutez, ils sont tous noirs. De toute façon, tout ça, ça appartient à la France. Ouais, ok. Congo, oui. Gustave Kervern. On en a eu un peu. Exactement, vous avez raison, c'est pas du tout Afrique de l'Ouest. Ils ont le même patron que nous. Non, mais c'est pas très loin de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes d'accord. C'est pas non plus. Oui, du Sud. Oui, bon, c'est bon. Continuez votre chronique, Géographie. Enfoncez-vous. Olympe, elle a découvert une petite chauve-souris blessée. Et alors, c'est un amour, elle est éberluée, elle lui gratte le ventre avec son doigt. Pour elle, c'est un petit trésor. Et elle va la ramener fébrilement dans son village qui compte 30 habitants. Et quand elle la montre comme ça, tout le monde s'en fout parce que tout le monde est occupé occupés à admirer un cadavre de grand singe que les jeunes garçons viennent de ramener de la brousse. Quelques jours plus tard, le petit frère d'Olympe pleure du sang et s'effondre. Et puis ensuite, c'est au tour des habitants, en général, et puis de la région, tous morts. Vous ne racontez pas la fin, non? Non, mais on la connaît parce que c'était dans l'actualité. Mais il se trouve que pas très loin de cette région coule une rivière paisible qui s'appelle Ebola. Et ça, c'est véridique. C'est cette rivière qui a... Non, mais c'est vrai, qui a donné son nom... Mais on ne vous croit plus maintenant, c'est ça le problème. Qui a donné son nom au virus. C'est vers l'Australie, au départ de l'action Le Singe ou la chose. Mais vous allez voir, il se trouve que, scientifiquement parlant, c'était le virus était porté par les chauves-souris et par les singes. Et du coup, ce que fait Paul Constant, c'est qu'elle imagine l'origine de l'épidémie, puisque de ce côté-là, il y a un blanc. Il y a une zone cruciale où tout a commencé, mais comme toutes les grandes épidémies, on n'a pas le nom des deux ou trois personnes ou comment c'est arrivé dans le détail. Et elle, ce qu'elle fait, Paul Constant, c'est donc qu'elle va combler ce blanc. Ou comment un geste enfantin, finalement, s'occuper d'une chauve-souris ou alors ramener un cadavre de grand singe très fièrement. Non, mais... Pour la fête des mères. Et ben, en fait... Ça provoque la ruine. Essayez d'être sérieux parce que c'est un livre absolument passionnant. Mais pour le dire autrement, en moi fait... Moi, je vous écoute. Hein. Merci, oui. Vous allez rester avec moi? Oui, ouais, je vous remercie jusqu'à 18h. Après, ça ira. Gustave et Toutou, oui. Ouais. Non, mais c'est très intéressant comme idée parce qu'en fait, elle dit que l'innocence, elle amène la catastrophe. Et ça, c'est la première leçon de ce livre. C'est que ce que nous dit Paul Constant, c'est que l'épidémie est un fléau sans coupable et sans bouc émissaire. Et d'ailleurs, dans le roman La Peste d'Albert Camus, le docteur Castel dit au docteur Rieux, il lui dit « Je n'ai pas besoin d'analyse. J'ai vu quelques cas à Paris, il y a une vingtaine d'années, seulement on n'a pas osé leur donner un nom sur le moment. Voilà, quelques cas sans visage et on n'en sait pas plus. Tout comme on n'a pas su qui étaient les premiers atteints de la grippe espagnole ou du sida, même plus proche de nous. Deuxième leçon de ce livre, je cite Paul Constant, « Les maladies souffrent de solitude, un seul malade n'est pas assez. » Alors il se trouve qu'elle a grandi en Afrique et que donc elle n'a pas été surprise de voir que l'épidémie se répandait avec les rites, comme par exemple manger le singe infecté, ou alors toucher les cadavres selon les coutumes funéraires. Dans ces cas-là, évidemment, l'épidémie, elle y va très vite et très fort, depuis Olympe jusqu'au misérable hôpital, qui n'est pas très loin, en passant par un groupe d'explorateurs qui psalmodie, je cite, « la comptine écologique qui a remplacé le palais de Dame Tartine chez les jeunes occidentaux ». Voilà, ça c'est pour Cécile Duflo et pour Guillaume Meurice. Et troisième leçon de ce roman, l'implication des animaux, en fait, bouscule la suprématie humaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les singes, comme les humains, ont été décimés par Ebola. Et ça, c'est la grande différence avec le choléra, c'est qu'en fait, dans le cas du choléra, l'espèce humaine et animale n'ont pas été mis sur un pied d'égalité. Et dans le Hussard sur le toit de Jean Giono, qui est un roman, le grand roman sur le choléra... Qui se passe en Honduras. Si pas du tout, non, qui se passe à Manosque. Ah, merci pour la vanne récurrente. Vous êtes content, vous en avez fait une. Les chiens et les chevaux, dans ce roman, restent, eux, debout parmi les cadavres, justement, des rues de Manosque. Quatrième et dernière leçon, eh ben oui, on peut faire de l'or avec de la boue, ça vous en savez quelque chose, messieurs. On peut faire des contes avec du sordide, c'est l'exploit de la littérature et du cinéma, et de ce roman, dont je vous redonne les références, Des chauves-souris, des singes et des hommes, de Paul Constant, chez Gallimard, le 3 mars, et, contrairement à cette chronique, qui, elle, paraîtra demain, dans le Parisien Magazine. Elle sera corrigée un peu, il y aura moins de conneries dedans. Il y aura une carte de l'Afrique à côté. Non, ça va, vous en avez fait. Moi, j'ai envie de lire ce livre. Voilà. Clara, merci. Clara, moi aussi. Merci. Admirable chronique. Il n'y a que vous, Maurice. Merci, merci Clara Dupont-Monod. De rien, Charlie. Allez, on est avec Gustave Kervern et Benoît de Lépine. Et écoutez, on va pas avoir le temps de faire le troisième sujet, mais je voudrais quand même, comme on avait une exclusivité, je voudrais quand même vous dire, vous savez, Martine Aubry n'est pas contente, elle a dit trop, c'est trop. Déjà, elle s'était fait un papa outé, rappelez-vous, oui. Le ras-le-bol avec Macron, et puis maintenant, trop, c'est trop. Et ce matin, Manuel Valls a répondu, donc je voudrais juste quand même qu'on réécoute la réponse de Valls. Oui. Hein. Je suis colère, les enfants, je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Pourtant, je ne serai pas toujours là, les enfants. Hein ? N'étais-je pas là quand tu t'embourbais dans ces situations difficiles avec des filles de mauvaise vie ? Si tu veux. Ah ben voilà. Arnaud, n'étais-je pas là quand tu souffrais d'une crapuleuse infection du visage, que tu faisais fuir tes amis ? N'étais-je pas là pour te masser la face ? Ah voilà, voilà. Je suis violence. Voilà, monsieur Manhattan, Poulvord. La réponse de Manuel Valls. Alors, Alex Vizorek. Eh bien, vous tombez bien, on n'a pas traité le sujet, mais on va le traiter en sketch. En fin d'émission, on propose de chaque fois un sketch. J'espère que vous l'acceptez, messieurs. C'est pas comme si vous n'aviez jamais fait de sketch dans votre vie. Alors, Valls, on peut plus. Il a donc donné rendez-vous à deux des gros contestataires, Martine Aubry et Daniel Cohn-Bendit, quelque part. Charline et Martine, Guillaume et Daniel. Et vous, surprise, on y va. Bonjour, c'est bien ici le comité de modification de la loi El Khomri ? Mais oui Martine, c'est l'adresse que Manuel nous a donnée. Mais pourquoi est-ce qu'il y a écrit temple bouddhiste ? Madame Aubry, monsieur Cohn-Bendit, prenez place sur vos tapis. Quoi ? Mais hein ? Attendez, vous êtes qui là ? On est ici pour sauver la France. Nous sommes yogis. Manuel nous envoie pour vous apprendre la relaxation. Vince ! Il est où ? Je vais me le faire, trop c'est trop. C'est mal parti pour la relaxation. On va faire fumer un peu d'encens. Non mais moi pour me relaxer, je fume autre chose que de l'encens. On va commencer par des exercices de respiration. On inspire, puis on expire et on le fait 50 fois. 50, 49, 48. Non, vous avez oublié un chiffre, 49-3. C'est de la censure, la dictature, c'est un scandale. Oui, on passe directement au yoga. Mais on n'est pas là pour faire votre yoga, je sais pas quoi. On est fâché, on veut modifier cette loi. Oui, mais pour arriver à une sainte colère, il faut repasser par le stade du calme. Mais je suis très calme. Ouais, pas tellement. Mais j'ai jamais été aussi calme de ma vie, moi. Ça, je veux bien vous croire. Mais vous êtes tout rouge, Dany. Mais oui, c'est mon surnom. Il n'y a que le jour où il mourra qu'il sera complètement vert, lui. Hein, on va commencer par la position du chien tête en bas. Ce ne serait pas nous la faire à l'envers, ça, plutôt ? Non, non, c'est pour se relaxer. Ah, hein. D'accord. Et on passe maintenant à la position du lotus. Ah voilà, lotus, c'est des voitures japonaises, ça. Hein, on veut étouffer les ouvriers français. Trop, c'est trop ! Mais non, c'est du yoga, de la relaxation. C'est pour être calme, le yoga. Pas compliqué. Bah, vous n'avez pas l'air très calme, là, en attendant. Il y a un moment, ça suffit. Merde. Trop, c'est trop. Ah, mais ça marche pas bien, votre truc. Non. Hein. Bah, bon, viens, mon yogi, on se casse. De toute façon, c'est l'heure d'aller voir Saint-Amour. Mais revenez, alors. Désolé, mais le code du travail est super strict. On peut pas rester une seconde de plus. Faut aller voir Saint-Amour, tout de suite. Saloperie de yogi, saloperie de valse. Publicité clandestine. Ils sont forts. Les mecs sont forts. C'est très très fort. Des fonds, ça travaille avec Bolloré. Mais évidemment, mais c'est votre métier cette semaine. Mais en tout cas, on vous le recommande chaleureusement, Saint-Amour, de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Il est en salle le 2 mars. Mm-hmm. Eh, ouais, on a vraiment tous adoré. Que ah oui, désolé, on a aimé. Quand on adore, oui, on le dit. Et puis quand on a moins, on ne dit rien. En fait, on dit voilà. Bah, je veux juste, c'est parce que ça traite d'amour maternel aussi. Alors je voudrais saluer ma maman qui écoute l'émission. Denise Solange. Voilà, Solange. Salut, maman, je t'aime. Les Césars, c'est demain. Je les embrasse fort. En tout cas, un film aussi avec Gérard Depardieu, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste et puis plein de belles actrices, Céline Salette, Solène Rigaud, Michel Houellebecq, très grande actrice. Le mot de la fin à la réponse de Manuel Valls à la tribune de Martine Aubry. Je suis colère, les enfants, je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison, je suis violence.